بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دراستنا في قصة من القرآن، ألا وهي قصة صاحب الجنتين. صاحب الجنتين كما هي مذكورة في سورة الكهف. On va continuer, inshallah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la suite et la fin de l'histoire du propriétaire des deux jardins, qui est mentionné dans la surat Al-Kahf, comme on l'avait précisé dans la dernière assise. Et donc, on avait dit que dans la surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous a évoqué, il y a l'évocation de quatre histoires. Il y a l'évocation dans la surat Al-Kahf de quatre histoires. On avait dit la première histoire, c'est les gens de la caverne, comme on a relaté cela dans ce qui a précédé. La deuxième histoire, ensuite, elle est suivie ensuite d'une histoire qui est l'histoire du propriétaire des deux jardins, dont on est en train de faire l'étude. Et ensuite, on a aussi l'histoire de Moussa, alayhi salam, avec le Khadr. Et on a l'histoire ensuite de Dhul-Qarnayn, dans la même sourate. Et donc, on va continuer, Inch'Allah, dans cette grande histoire qui renferme de grandes leçons et une grande moralité qu'il y a dans l'histoire du propriétaire des deux jardins. Donc, on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit, une traduction relative des sens des versets, Allah propose, il dit au prophète, sallam, propose-leur la parabole de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons donné deux jardins plantés de vignes, que nous avons entourés de palmiers séparés par des champs ensemencés. Les deux jardins produisaient de bonnes récoltes, sans la moindre défaillance, d'autant plus que nous avions fait surgir un ruisseau entre eux. Il récolta donc ses fruits et dit, au cours d'une conversation avec son compagnon, « Je suis plus riche que toi et plus puissant aussi grâce à mon clan. » Et donc, on voit à travers ces premiers versets déjà qui relatent l'histoire du propriétaire aux deux jardins, comme on l'appelle. Alors Allah Jalla wa Ala dit au prophète sallam: "Wadrib lahum mathalan. Mathal ar-rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a." Donc Allah Jalla wa Ala dit au prophète, comme on l'a dit précédemment dans la précédente assise, propose-leur un exemple en parabole deux hommes. À l'un d'entre eux, nous avons donné deux jardins plantés de vignes que nous avons entourés de palmiers et séparés de champs ensemencés, une traduction relative du sens de ces versets. Et donc, on avait dit, donc là, Allah dit au prophète de donner en exemple deux hommes. Mais on a dit cet exemple est réel. Donc, c'est vraiment une histoire qui s'est produite. Et donc, il y a eu une conversation, un dialogue entre ces deux hommes. Entre celui qu'on appelle le propriétaire des deux jardins et cet homme qui va justement discuter et dialoguer avec lui. Donc la fois dernière, on avait expliqué cette richesse que détenait cet homme, le propriétaire des deux jardins. Donc il avait cette richesse et on avait décrit justement les jardins dont il possédait. Et on avait dit que certains exégètes dans leurs commentaires ont cité que dans ces versets, il y a la description justement de ces jardins. On avait même expliqué le terme Jannah, pour ça on dit Jannatayn, on avait dit que c'était au duel. Et donc il y a six caractéristiques mentionnées à travers ces versets. Donc les jardins, cette richesse que possédait cet homme est décrite dans le Coran avec six caractéristiques, comme on a rementionné ici, on a mentionné les versets, comme ces jardins sont évoqués. Donc si vous avez compris ensuite la richesse que possédait cet homme, alors ensuite, après qu'on ait compris cela, alors que lui dialoguait avec un autre homme, alors qu'il dialoguait, et il est cité dans le verset وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنْ أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Alors qu'il dialoguait avec un autre homme. On avait dit que cet autre homme qui dialoguait justement avec le propriétaire des deux jardins, c'était un homme qui était moins riche que lui, qui était pauvre, mais qui avait une foi ferme. C'était un homme qui était croyant. Et on va voir qu'à travers ce dialogue, pourquoi? Puisqu'Allah Jalla wa Ala nous dit, alors au cours d'une conversation. Donc il eut une conversation et un dialogue. Pourquoi? Parce que Allah dans le verset nous dit, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Alors qu'il récoltait donc ses fruits, il dit au cours donc de cette conversation et de ce dialogue avec l'autre homme, je suis plus riche que toi et plus puissant aussi grâce à mon clan. Donc on voit à travers cela donc qu'il s'est vanté. Donc il a été pris d'orgueil, il a commencé à se vanter et donc à faire preuve de vanité. Et donc, en quelque sorte, il tombait dans ce qu'on appelle un amour démesuré de soi-même en pensant que tout cela provient de lui-même. Et donc tous ces bienfaits dont il a été comblé, il s'en vante et il pense que tout cela provient de lui-même. Et comme on va voir ensuite, il va faire preuve d'ingratitude et donc mécroire en son Seigneur alors que son Seigneur, c'est lui qui lui a donné ce qu'il possédait. Alors on voit que le terme, il est dit « hiwar »,« yuhawiru ». Et donc on voit que c'est un dialogue. Un dialogue, pourquoi on dit un dialogue? Un dialogue, c'est un échange. C'est un échange entre deux personnes. Si par exemple on dit « wahuwa yukallimu », Yukalimu, si il lui parle, ça sous-entend pas forcément, ça induit pas forcément que la personne lui ait répondu. Donc qu'il y a un échange, qu'il y a un échange. Mais là, comme c'est dit dans le verset, on voit qu'il y a un échange entre les deux hommes. Et on va voir ici parmi les enseignements qu'il y a dans cela, c'est que cet homme qui était pauvre par rapport à lui, qui n'avait pas cette richesse-là, qui ne possédait pas ces jardins-là, qui n'avait pas la richesse de cet homme-là. Mais lui, il avait une plus grande richesse qui était la croyance. On voit que cet homme était un homme courageux, parce qu'on va le voir à travers le dialogue. Souvent, dans les sociétés, lorsque le plus pauvre est face à la personne qui est riche, le riche domine. Domine aussi bien les conversations, aussi bien dans le dialogue, qu'aussi bien financièrement. Donc, en général, ceux qui sont plus pauvres, en général, au niveau conversation, eh ben, ils vont un peu se rabaisser par rapport à celui qui est en face, par rapport à celui qui est plus riche, et il ne va pas dire vraiment ce qu'il a vraiment, ce qu'il pense vraiment, et ce qu'il a vraiment au fond du cœur. Regardez, cet homme, lui, il avait une foi profonde, il avait cette richesse qui était la croyance, et cet homme était courageux. Il était courageux et lui a dit en face la vérité. Et ça, c'est une grande leçon à tenir. Regardez, en face, il lui a dit la vérité. Pourquoi? Parce que le propriétaire des deux jardins va se vanter de deux choses. Va se vanter de deux choses. Aussi bien de sa richesse, parce qu'il était riche, donc il avait une grande richesse. Vous avez vu comment c'est. C'est pour ça qu'on a bien détaillé la fois dernière cette description de ces jardins pour qu'on se rende compte et qu'on s'imagine un peu la richesse de cet homme avec des ruisseaux, un fleuve qui passait à travers au milieu de ces jardins avec des fruits en toute saison. Donc c'était une grande richesse à l'époque qui était encerclée de palmiers. Donc une grande richesse que possédait. Et il le dit, Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Donc il lui dit, moi je suis plus riche que toi. Donc dans cette conversation, Allah Jalla wa'ala nous enseigne que donc cet homme, pris de vanité, ce vaniteux, lui a dit « moi je suis plus riche que toi », première chose. Donc il s'est vanté de sa richesse. Deuxième chose, il lui dit « wa a'azzu nafara »« a'azzu nafar ». Un nafar, c'est dans le sens, il se vante ici du groupe de gens, des gens qui sont autour de lui. C'est-à-dire qu'il est entouré. C'est une personne qui est entourée, c'est pour ça qu'on dit « il se vante ici de son clan ». De son clan. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui sont entourés de grandes familles, qui sont entourés de gens, par exemple, même de gens qui sont, par exemple, des élites dans la société, qui ont des postes, qui ont une situation sociale élevée, alors les gens se vantent de cela. Les gens se vantent de cela. Lui, il avait les deux choses. Aussi bien, il était riche, et aussi bien, il dit qu'il était entouré. Donc, il était entouré de gens. Entouré de gens. C'est pour ça qu'il dit, Wana, il dit, donc il a ces deux choses-là, aussi bien la richesse, mais aussi il a sa tribu, son clan, les gens qui l'entourent. Et donc il dit à l'autre, moi je suis plus riche que toi, et je suis plus puissant grâce à mon clan. Donc l'homme en face de lui, cet homme dont Allah Jalla wa'ala nous informe à son sujet, alors lui a fait preuve vraiment de courage. A fait preuve de courage parce qu'après qu'il va lui dire cela, l'homme, regardez ce qu'il va lui dire, et son compagnon, Allah Jalla wa'ala nous dit dans le verset, dans les versets qui suivent, Allah Jalla wa'ala nous informe au sujet de l'homme en disant, et son compagnon qui conversait avec lui répliqua, aurais-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis de sperme, et qui ensuite t'a donné ta forme humaine? Pour moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, auquel je n'associe personne. Donc regardez la réaction de cet homme. Il lui a dit la vérité. En face. Donc il a fait preuve de courage. Et donc pourquoi Dans ce dialogue, lorsqu'il lui répond, il lui dit: aurais-tu renié celui qui t'a créé de poussière? Parce qu'il faut revenir au verset juste avant, lorsque Allah Jalla donc nous dit que la personne s'est vantée en disant que je suis plus riche et mon clan, il s'est vanté aussi de son clan en disant et aussi grâce à mon clan, je suis plus puissant que toi. Alors ensuite Allah Jalla nous dit wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Et ensuite il est rentré dans son jardin et se fait du tort à lui-même. Il était injuste envers lui-même, littéralement, comme c'est dit dans le verset. Et lorsqu'il rentra dans son jardin, il dit: et je ne pense pas que ce jardin puisse jamais dépérir. On avait expliqué la fois dernière, de sorte qu'il pensait que ce jardin restera tout le temps et que jamais il ne pourrait dépérir, dans le sens que son jardin restera tout le temps et n'aura jamais de fin. Il pensait qu'il allait vivre comme ça longtemps et qu'il n'y aurait pas de fin pour son jardin. Et il dit, et là, vous allez mieux comprendre. Et je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour. Et si ma foi, je dois retourner à mon Seigneur, j'aurai certainement un sort bien meilleur. Regardez, là, il y a deux choses qui font comprendre. Deux choses à travers la parole de cette personne, de ce vaniteux, de celui qui s'enflait d'orgueil. Premièrement, il dit donc qu'il ne pense pas que ce qu'il possède parmi ses jardins et sa richesse allait dépérir. Et il dit pourquoi? Je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour. Donc là, on voit qu'il renie. Kafara. Biyawmil akhir. Faqad kafar. Il a renié le jugement dernier. Il a renié la résurrection. Le fait qu'il puisse être ressuscité. Mais il dit, mais si, dans l'éventualité, pour ça il dit, mais ma foi, si, c'est dans le sens de l'éventualité, comme il est dit dans le verset, Wala in ruditu ila Rabbi, donc dans l'hypothèse où je serai ramené vers mon Seigneur, ou qu'il y aura un jugement, un retour vers le Seigneur, j'aurai certainement un meilleur sort. Donc il pense que même dans l'éventualité où il serait ramené vers Allah, et son retour se fera vers Allah, s'il y aurait là la rétribution, la résurrection, alors il aurait un meilleur sort que ce qu'il possède là, il aura encore meilleur. Donc on voit bien, là, le Rajul, cette personne-là, cet homme-là, le propriétaire des deux jardins, on voit qu'il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il dit, il dit, et si, c'est-à-dire dans l'hypothèse qu'il y ait justement un retour, qu'il y ait un retour, donc qu'il y ait un rajul et qu'il y ait la rétribution. Donc on voit que, fa kafar. C'est pour cela que ensuite l'homme lui dira: auras-tu renié celui qui t'a créé de poussière? Et vous avez vu, c'est-à-dire que le pauvre ici, celui qui était plus pauvre que lui, il avait une croyance et lui plutôt il était fier de sa croyance et il lui dit: aurais-tu renié? Donc il lui dit: aurais-tu renié? Pourquoi? Parce qu'en réalité, le propriétaire du jardin a renié son créateur. Il fait preuve d'ingratitude et en plus, il renie son créateur. Et deuxièmement, il pense que même si il devait être ressuscité, de toute manière, il aurait meilleur. Son sort serait meilleur. Et là, l'homme, avec force et avec courage et avec foi, et ça, c'est une grande leçon pour les croyants, lui dit: aurais-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis de sperme, et qui ensuite t'a donné ta forme humaine dans le sens des versets. Et là, avec fierté de sa croyance et de sa foi, il lui dit: pour moi, c'est Allah qui est mon Seigneur auquel je n'associe personne. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Telle était la volonté d'Allah. Il n'y a de puissance que Allah. Regardez là, ces belles paroles que lui dit, que lui donne cette personne, il est fier de sa religion, il est fier de sa foi, il lui dit: pour moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, auquel je n'associe personne. Donc comme on l'avait dit, regardez cette touche de tawhid. Regardez toujours l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours la reconnaissance. Les croyants, on voit que Allah jalla wa'ala, lorsqu'il nous informe au sujet des croyants, que ce soit des prophètes ou des envoyés dans le Coran, ou d'autres histoires comme celle-ci, qui ne sont pas forcément des prophètes et des envoyés, toujours le même message. Ce message qui revient à l'affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la seigneurie d'Allah, de l'unicité d'Allah dans le culte et dans l'adoration, de l'unicité d'Allah à travers les noms sublimes et les attributs de perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et donc on voit que là, l'homme fait preuve de courage et lui fait part de sa croyance en l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans un verset, Allah nous dit: Walillahil izza ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ça, dans un verset, il dit, et la puissance et la fierté, la gloire appartiennent à Allah et aux messagers et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Dans une traduction relative du sens du verset. Donc regardez, cette fierté-là, cette gloire-là, le fait d'être fier, cette gloire et cette puissance appartiennent à l'islam. Appartiennent à l'islam, aux croyants, à Allah. À Allah. Au messager, et regardez, Allah a dit walil mu'minin wal 'izza walillahi al 'izza walil mu'minin walil rasulihi walil mu'minin walillahi al 'izza, et Allah appartient à l'izza, la puissance et la gloire, ainsi qu'au messager et aux croyants. Walakin al munafiqin la ya'lamun. Et donc on voit que lui, l'homme, il a été fier de sa foi, l'autre s'est vanté de ses jardins, de sa richesse, de sa fortune, tandis que le croyant, même s'il était plus pauvre, même s'il était pauvre, et on voit que donc la richesse, ce n'est pas forcément les biens, la richesse n'est pas forcément la fortune qu'a amassé la personne, ça ne veut pas dire qu'auprès d'Allah, la personne, il est aimé, contrairement à la conception des gens aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'on vit dans une société matérielle, on vit dans une société, dans une époque où les gens sont matérialistes et le matérialisme s'est propagé. Donc, on vit dans des sociétés capitalistes. Et donc, les gens ne croient qu'en l'argent, ne croient qu'au bien, ne croient qu'en la richesse, à la réussite sociale, comme il est dit. Donc, la réussite pour les gens, ici-bas, c'est la fortune. C'est amasser des fortunes, c'est avoir de l'argent, avoir des biens, être propriétaire de biens. Pour eux, c'est la réussite. Quelle que soit la source pour l'obtention et l'acquisition de ces biens. Ils ne regardent pas. Est-ce que c'est une obtention halal, pure et bonne, licite, ou bien une obtention, ils ont acquis ces biens d'une manière bonne et pure, ou bien acquis ces biens d'une manière interdite. Les gens ne regardent pas ça. On vit, on évolue dans des sociétés qui sont capitalistes, ou que le matérialisme, les gens deviennent matérialistes. Et donc, ce qui compte, c'est la réussite sociale, c'est-à-dire en termes de biens. Donc, plus la personne est riche, plus la personne a des biens, plus il est propriétaire de biens, plus il est considéré, plus il est respecté, et plus c'est des signes de réussite. Et donc, ces gens sont des modèles de réussite pour les gens. Or, il se peut, et on apprend, c'est pour ça que je voulais vous partager cette histoire qui est dans le Coran, et c'est pour ça qu'Allah nous enseigne cette histoire. Il faut tirer les leçons. Et à chaque fois maintenant que vous allez la lire le jour du vendredi, et vous allez méditer, vous allez passer sur ces versets, là vous allez mieux comprendre. Or, Allah Jalla Wa'ala nous dit que parfois ces richesses, c'est un châtiment pour la personne. Parfois ces richesses, c'est un châtiment. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de punitions. Il y a des punitions dont on se rend compte qu'on a été puni. Mais parfois Allah Jalla Wa'ala peut punir l'individu et la personne ne sait pas qu'il est dans une punition. Et ne sait pas qu'il vit une punition. Et cette punition-là, elle est grave. Et cette punition-là, parfois, elle est encore plus grande. Pourquoi? Parce que la personne, parfois, il est puni de quelque chose. Alors, il sait que là, il est en train de vivre une punition. Alors, il va s'en revenir à son Seigneur. Il va faire son examen de conscience, son autocritique. J'ai fauté dans telle et telle chose. Et là, ce que je vis, c'est la rétribution et les conséquences de ce que j'ai fait. Et ça, c'est la personne, lorsqu'il y a ça, il peut revenir, ça peut le mener à revenir vers son Seigneur. Mais par contre, parfois, la personne, il vit une punition, il vit un châtiment, mais il ne s'en rend pas compte, il ne le ressent pas. Il ne le ressent pas. En l'occurrence, les savants disent, par exemple, la richesse. La richesse. Parfois, des gens ne savent pas que cette richesse-là, en vérité, c'est une punition pour eux. Pourquoi? Parce qu'au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'enfoncent encore plus dans leur mécréance et dans leur ingratitude envers leur Seigneur. Et ils n'en s'en rendent pas compte. Et ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas conscients de cela. C'est pour ça que cette punition-là, elle est encore plus profonde. Il y a des gens qui, par exemple, adorent, par exemple, leur Seigneur, ou plutôt voudraient croire en Allah, par exemple, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à croire en Allah, ils n'arrivent pas à avoir l'iman. Ça, c'est une punition. C'est une punition. Ou il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à avoir un cœur doux, apaisé, face au dhikr, au rappel d'Allah. Lorsqu'il entend les versets d'Allah, il ne trouve pas cette quiétude, cet apaisement, cette sérénité interne. Et parfois ça, les savants nous disent que parfois ça, c'est une punition. La personne, il lui a été ôté tout apaisement du cœur, toute quiétude et sérénité du cœur face au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne ne sait pas, malheureusement. Et la personne, il ne sait pas. Et ça, c'est une grande punition. Par exemple, la personne qui ne prie pas ses prières quotidiennes, il ne sait pas qu'il est privé. Il est privé d'une joie et d'une douceur immense. Et d'une douceur immense, le fait de ne pas prier, se priver de la prière de notre Créateur, Subhanahu wa ta'ala. Donc parfois, on est privé de choses, c'est une punition, mais la personne ne sait pas. Et à l'inverse, parfois, Allah Jalla wa ala nous récompense pour des choses qu'on a faites. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, la punition, elle peut être aussi bas et dans l'au-delà. La personne, il peut se voir châtié ici-bas et dans l'au-delà. Comme aussi, à l'inverse, il peut se voir récompensé ici-bas et dans l'au-delà. Il peut se voir récompensé de choses qu'il a fait. Parfois, vous avez fait du bien, vous avez fait des belles œuvres, vous avez fait des belles choses, et vous en rendez pas compte que parfois, Allah Jalla wa'ala vous a facilité dans certains domaines. Parfois, Allah Jalla wa'ala vous a préservé de certains maux, certains mal dans cette vie d'ici-bas. Pour cause de bonnes actions que vous avez faites. Et donc, vous avez commencé à avoir la rétribution. Et la rétribution, donc, parfois, elle est ici-bas, et parfois, elle est dans l'au-delà. Parfois, on le voit, et parfois, on s'en rend pas compte. Parfois, on s'en rend pas compte. Combien de gens, par exemple, qui ont assisté à des accidents et qu'Allah préserve. Et dans la voiture, on voit certains sont décédés ou certains ont été fortement hospitalisés, sont hospitalisés avec des séquelles fortes et d'autres, rien. Ils ont été épargnés. Allah les a épargnés. Et parfois, vous ne savez pas, c'est dû à une action que la personne a faite. C'est dû, par exemple, à une belle parole qu'il a dite ou à une belle action qu'il a faite, une aumône ou une adoration pour se rapprocher d'Allah. Il ne sait pas qu'Allah l'a préservé. Et que c'était le début de la rétribution, de la bonne récompense qu'il a, ici-bas et dans l'au-delà. Donc parfois Allah va vous préserver de mal. Parfois Allah va vous faciliter certaines choses et vous ne savez pas, c'est dû à des bonnes actions que vous avez faites. C'est pour cela qu'il ne faut jamais, jamais minimiser le bien. Le prophète Hassan dit, ne jamais mépriser ou minimiser, dévaloriser le bien, même ne serait-ce le fait d'accueillir un frère avec un visage radieux. D'accueillir son frère avec un visage radieux. Ou bien, ne serait-ce de donner la moitié d'une dat en sadaqa. Tout cela, même si c'est des choses minimes pour certaines personnes, mais tant que la personne a une bonne intention. Et pour ces choses-là, il ne faut jamais dévaloriser un sadaqa, le bien. Allah, Jalla wa'ala, rétribue ses serviteurs pour tout bien. Donc regardez, ça c'est des enseignements qu'on tire à travers cette histoire et ces versets. Donc ensuite, cet homme-là, plein de courage, qui n'avait pas la richesse de l'autre, mais qui était fier de sa foi, il lui dit, pour moi, c'est Allah qui est mon Seigneur auquel je n'associe personne. Il est fier de sa religion. Et ça, c'est une leçon pour tous les croyants, le fait d'être fier de sa religion, et que la gloire et la fierté appartiennent à Allah, aux messagers et aux croyants, et d'être fier de faire partie de ces croyants, dont Allah Jalla wa'ala dit que la fierté, la puissance et la gloire leur appartiennent. Et ensuite, l'homme dit, et si tu aurais dit en rentrant dans ton jardin, puisque l'homme ensuite, lorsqu'il est rentré dans ce jardin, il s'est fait du tort à lui-même. Allah nous dit, se faire du tort à soi-même, comme on avait dit, alors c'est ici être injuste envers soi-même, que peut-être, parmi les explications aussi qu'on pourrait donner, que certains donnent, qu'il ne sait pas à cause de cela, de sa réaction, de son ingratitude et de sa richesse, alors dans l'au-delà, ça peut lui valoir le châtiment. Et lui, il ne le sait pas, donc il a été injuste envers lui-même. Envers lui-même. Et donc, ensuite, l'homme donc lui dit, regardez, les gens, même s'il n'a pas la richesse de l'autre, mais il a une croyance. Il était courageux. Il a dit sa croyance. Il en a été fier. Et en plus, il va le conseiller. Il va le conseiller avec une parole qui est immense. Il va lui enseigner un trésor parmi les trésors. Mais seuls les gens de science et de savoir, ceux qui ont la connaissance, savent cela. Regardez ce qu'il va lui dire. Il dit, si seulement lorsque tu étais rentré dans ton jardin, tu aurais dit, Qulta, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Si tu aurais dit, Masha'Allah. Si seulement lorsque tu serais rentré dans ton jardin, tu aurais dit, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Si seulement tu aurais dit ça. Regardez ce qu'il va lui enseigner. Et là, la richesse, elle est là. La véritable richesse. Et on voit aussi, on peut tirer comme enseignement la bonne fréquentation. Regardez cet homme. Ingrat, avare, infatué de sa personne, dans un amour-propre démesuré, se vantant de sa richesse, faisant preuve d'orgueil. Regardez, il côtoie un moment une personne de bien, une personne qui a du khair, un croyant, une bonne fréquentation. Regardez ce conseil qu'il lui donne. Donc on voit que ce croyant-là, dans l'histoire, il a du courage, comme on l'a dit, il est brave, il est fier de sa religion, il lui dit, il lui affirme sa croyance en l'unicité d'Allah, mais aussi on voit qu'il a de la sagesse. On voit qu'il lui prodige des paroles bonnes. Regardez ce qu'il va lui dire, et il va lui enseigner. C'est une parole, c'est une personne, pardon, malgré qu'il n'a pas la richesse de l'autre, mais dont on profite, qui est profitable et utile pour l'autre. Il lui dit, mais si seulement lorsque tu étais rentré dans ton jardin, tu aurais dit, Masha'Allah, Masha'Allah. Et là, si vous connaissez on va dire la grandeur et la noblesse de cette parole, si vous connaissez vraiment le mérite de cette parole, alors vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il lui a conseillé, il l'a orienté vers un trésor. Il l'a orienté vers un trésor. Pourquoi? Parce que, comme il nous est dit dans un récit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous dit « Ala adulluka ala kalimatin min kunuz al-jannah » Et ça, c'est rapporté par Abu Huraira. C'est le compagnon Abu Huraira, l'illustre, nous dit qu'un jour, le messager d'Allah a dit « Ala adulluka ala kalimatin min kunuz al-jannah » ou « qal kenz min kunuz al-jannah » Vais-je vous indiquer une parole parmi les paroles du paradis, parmi les trésors du paradis. Donc le compagnon nous dit qu'un jour le prophète Hassan dit, vais-je vous indiquer une parole qui fait partie des trésors du paradis? Ou bien, dans une autre version, Kenz min kunuz al-jannah, ou bien un trésor parmi les trésors du paradis. Qultu bala, Abu Huraira dit, lorsque le prophète lui a dit, vais-je t'indiquer une parole parmi les trésors du paradis, Abu Huraira dit, oh bien sûr. Oh bien sûr, donc là il va avoir un enseignement immense du prophète Ansem. Alors Abu Huraira, le compagnon, dit oh bien sûr, oh que oui. Et là le prophète Ansem dit قال لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. أخرجه الإمام مسلم. Dans ce hadith, le prophète Ansem lui dit قال, celui qui dit لا حول Wala quwwata illa billah. Il n'y a ni de force, ou ni de puissance, ni de force, si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala, dans une traduction rapprochée et relative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit ça, Allah a dit. Idha qala al-abd, qala Allah azza wa jal, si le serviteur dit cela, Allah dit, aslama abdi. Mon serviteur s'est mis à l'abri, wa staslam, et il s'est soumis. Et il s'est soumis. Donc regardez, le prophète dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, par l'imam, ou plutôt celui-ci, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, par l'imam al-Tirmidhi dans un chapitre de Dua, et par l'imam Ahmed. Et par l'imam Ahmed, et ce hadith, en réunissant les différentes voix, Shir al-Albani le juge bon. Le juge bon. Donc on voit que le prophète Hassan nous dit, il dit à Abu Huraira, vais-je t'indiquer une parole parmi les paroles parmi les trésors du paradis? Donc on voit que cette parole la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor du paradis. Donc l'homme l'oriente à l'autre. Pourquoi lorsque tu es rentré dans ton jardin, n'as-tu pas dit masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah? Alors sachez, lorsque vous dites la hawla wa la quwwata illa billah, sachez que c'est un trésor du paradis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est pour ça, dans l'authentique de l'imam muslim, maintenant on a un autre récit dans l'authentique de l'imam muslim, c'est le hadith de Abu Moussa al-Ash'ari, du compagnon Abu Moussa al-Ash'ari. Fihi faqal ya Aba Moussa ya Aba Abdillah ابن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة وفي رواية على كنز من كنوز الجنة قلت ما هي يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Et là, dans l'autre hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, il est rapporté qu'un jour le prophète s'adressa à lui et lui dit, il s'adressa à lui en ces termes, il lui dit يا أبا موسى ou bien يا أبا عبد الله ابن قيس. Ô toi, fils de Abdallah ibn Qais, vais-je t'indiquer la parole, une parole parmi les trésors du paradis? Et dans une autre version, ala kenz min kunuz al-jannah, ou une parole parmi un trésor parmi les trésors du paradis? Qultu ma hiya ya Rasulallah. Alors le compagnon dit, et quelle est-elle, ô messager d'Allah? Quelle est cette parole? Et le messager d'Allah lui a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et donc ce hadith aussi est rapporté par l'imam al-Bukhari. est rapporté par l'imam al-Bukhari dans le livre de Ad-Da'awat. Ad-Da'awat, vous pouvez le retrouver, et dans Al-Dhikr wa Ad-Du'a. Et donc, on voit que le prophète Hassan dit que cette parole fait partie des trésors parmi les trésors du paradis. Du paradis. Et c'est pour cela que dans un hadith, le prophète Hassan dit: celui d'entre vous qui voit quelque chose qui lui plaît, man ra'a shay'an fa'ajabahu. Si l'un d'entre vous voit quelque chose qui lui plaît, et c'est le hadith de Anas ibn Malik, qui dit que le prophète Hassan a dit: man ra'a shay'an fa'ajabahu. Celui qui voit une chose qui lui a plu, alors qu'ils disent masha'Allah. La quwwata illa billah, lam yadurruhu ayn. Et là, le prophète dit, alors il ne sera pas touché par le ayn, par le mauvais œil. Et là, regardez cet autre enseignement du prophète, que celui qui voit quelque chose qui lui plaît, alors il doit dire, masha'Allah, la quwwata illa billah, dans le récit. Et il dit dans un récit aussi, il dit, masha'Allah, il demande la baraka plutôt, il demande la baraka, la bénédiction d'Allah sur cette chose-là. Et ça, ensuite, ça repousse le mauvais œil, ça préserve du mauvais œil pour pas que la chose soit atteinte par le mauvais œil. Donc on voit ici, pour conclure, on voit que vraiment, cet homme-là, le croyant face à ce riche, vaniteux, orgueilleux, a eu vraiment un comportement exemplaire du fait qu'il n'a pas eu peur. Il a fait preuve de bravoure, de courage, en disant la vérité à ce riche qui se vantait de son clan et de sa richesse, alors que lui, par rapport à lui, était plus démuni. Mais en vérité, pourquoi? Parce que cet homme était savant. Cet homme, c'est-à-dire, il avait une connaissance. Cet homme avait une connaissance d'Allah. Il avait une connaissance de sa religion par rapport au propriétaire des deux jardins. Donc lui, par rapport au propriétaire des deux jardins, il était savant par rapport à lui. Et lui, il savait qu'en vérité, tout cela provient d'Allah. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Et c'est Allah qui prive. Allah est celui qui donne et Allah est celui qui prive. Et donc, pour que nos biens perdurent, parmi les leçons aussi à tirer, il faut remercier Allah. Et lorsqu'on remercie les biens perdurent, et Allah rajoute. Et donc là, regardez, il a fait preuve de bravoure en lui faisant profiter et partager sa foi en lui disant qu'il croyait en l'unicité d'Allah et en le conseillant de dire Mach, pourquoi n'as-tu pas dit lorsque tu es rentré dans ton jardin Mashallah la quwwata illa billah. Regardez ce trésor parmi les trésors du paradis qui lui enseigne. Regardez la bonne fréquentation. Regardez, il a conversé cet homme, ce riche, ce vaniteux, cet orgueilleux qui reniait la résurrection à côtoyer cet homme pendant cette conversation. On voit que pendant cette conversation, cet homme lui profite en lui enseignant un trésor parmi les trésors du paradis, comme Allah nous relate dans cette histoire. Ensuite, qui étaient les deux hommes? On avait dit, certains disaient que c'était deux frères. On avait dit, il y a différents avis chez les exégètes, comme on avait expliqué cela dans la précédente assise. Donc, parmi les enseignements, pour terminer aussi, lorsqu'on voit une chose qui nous plaît, le prophète sallam nous dit de dire, masha'Allah, pour pas que cette chose soit atteinte par l'œil. Et malheureusement, beaucoup de gens à l'heure actuelle, il faut toujours leur répéter, de dire Mashallah. Normalement, c'est instinctif chez le croyant. Lorsqu'il voit une chose qui lui plaît, il dit Mashallah. Allahumma barik alayhi. Allahumma barik alayhi. Mashallah, Allahumma barik. Mashallah, la quwwata illa billah. Par exemple. Donc le fait de dire Mashallah. Et même la personne sur elle-même. Même la personne, pourquoi? Parce que parfois, on peut être atteint de haine par nous-mêmes. On peut être la cause. Parfois, la personne, à force de se regarder, de se complimenter et sans dire machallah, etc., parfois la personne lui-même, il peut être source de mauvais œil. Ce que certains savants nous enseignent. Donc, il faut être vigilant sur cela. Et lorsqu'on voit des choses qui nous plaisent chez autrui, des enfants par exemple, ou des biens d'autrui ou autres, on dit machallah, une chose qui nous plaît, alors on fait ce que le prophète sallam nous a commenter, de dire, puisqu'on a un hadith qui nous dit que beaucoup de gens qui sont morts, qui sont enterrés aujourd'hui, l'une des grandes causes, c'est quoi? C'est l'aïn. Beaucoup sont morts du aïn. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Pour ça, en réalité, dans cette histoire, il y a des grands enseignements. Et pour finaliser, donc conclure cette histoire, on voit vraiment que l'homme l'avait bien conseillé. Pourquoi? Parce que à la fin, quelle est la rétribution de ceux qui renient les bienfaits d'Allah? Subhanahu wa ta'ala. On voit la rétribution de ceux qui renient les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'à la fin ils perdent tout. À la fin, ils perdent tout. Comme là, on voit le grand enseignement à tirer alors que l'homme lui a dit: pourquoi n'as-tu pas dit, Masha'Allah, il n'y a de puissance qu'en Allah? Et l'homme, dans une traduction des sens des versets, pour terminer, lui dit: et si tu vois que je suis moins pourvu que toi en bien et en enfant, regardez, si moi je suis plus pauvre que toi, en bien ou en enfant? Il lui dit. Et si tu vois donc cela, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur dans ton jardin, que ton jardin plutôt. Regardez, il sait. Il se peut, même si là tu vois pas ça, même si tu vois pas en moi, si toi tu es plus riche, j'ai pas tes jardins et tes enfants, puisqu'il se vantait de cela. Même si je suis moins pourvu que toi, en bien et en enfant, Allah Jalla wa'ala nous informe au sujet de cet homme. Alors il dit, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin et qu'il envoie sur ce dernier une calamité du ciel, qui le réduise en terrain stérile. Regardez le ilm, lorsque la personne a un savoir. Regardez comment c'est profitable. Ou que l'eau qui l'arrose tarisse sans que tu puisses jamais la retrouver. Et Allah nous dit ensuite dans les versets suivants, une traduction du sens, Or sa récolte fut détruite. Et c'est ce qui est arrivé. La récolte de cet homme vaniteux, orgueilleux, tout fut détruit. Elle fut détruite, et Allah nous dit, et il ne lui restait plus que ça, qu'à se tordre les mains de regret, en pensant à toutes les dépenses qu'il avait effectuées et en se lamentant sur ses traits complètement ravagés. Plus Allah, gémissait-il, que je n'eusse jamais donné d'associé à mon Seigneur. Et il ne trouva aucun parti pour le secourir contre Allah, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même, car en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Allah, qui est la vérité suprême et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse. Et on voit que c'est dans la croyance en Allah, le fait de s'en remettre à Allah, qu'il y a la fin la plus heureuse, comme Allah Jalla wa'ala nous dit, il nous assure la fin la plus heureuse. Et c'est ce que savait cet homme-là, celui qui était plus pauvre que lui, c'est ce qu'il savait et c'est ce qu'il s'est produit. Wallahu a'lam. Wa usalli wa sallim ala ashraf al-anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.